Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2023. Donc tout d'abord, je tiens à vous souhaiter tous mes meilleurs voeux à vous, à tous vos proches, plein de bonnes choses, de la santé, plein de réussite personnelle et professionnelle, et puis aussi plein de bonne musique, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Electric Shock, bien sûr? Eh bien, bah, c'est de continuer encore une année de plus avec plein de bonne musique, plein de bons concerts et puis plein de bonnes de rencontres également. Donc, bah, normalement, ça devrait le faire. Bah, on espère, toujours est-il. Alors, bah, comme tous les ans, non, il n'y aura pas de best-of une fois de plus, car je vous le dis à chaque année, un best-of c'est tellement subjectif et il y a eu tellement de choses qui sont sorties de l'année que je pense qu'il aurait fallu au moins 3 émissions pour faire un best-of pour ce qui me concerne, que j'estime tenir à peu près debout. Et bon, voilà, donc on passe toujours à côté de quelque chose, donc on laisse tomber une fois de plus pour se consacrer à l'actualité qui, elle, ne s'arrête pas. Donc ce soir, vous aurez des nouveautés qui seront au nombre de 4, qui feront un petit survol de tout le genre et sous-genre qui composent notre style musical préféré. On va commencer l'émission tout de suite avec du heavy metal pur et dur, avec un groupe des vieux de la vieille, des Canadiens, qui s'appelle Sword. Sword était un groupe qui a sévi dans les années 80, qui a fait 2 albums entre 86 et 88, et après... silence radio total. Même s'ils sont reformés en 2010 pour quelques concerts, leur retour discographique n'a eu lieu qu'à la fin de l'année avec un album intitulé sobrement Free, tout simplement. Alors musicalement, faut s'attendre, ce n'est pas le groupe le plus original de la Terre, certes, mais c'est bien fait, c'est efficace, et c'est dommage que le groupe, dans sa première période, n'ait pas eu plus de succès. Seulement voilà, le style qu'il pratiquait était un petit peu en décalage avec ce qui était à la mode, entre guillemets, puisque là on était plutôt... à ces époques-là, 86-88, soit fallait faire du glam metal à la Motley Crue, soit fallait faire du trash à la Metallica Anthrax, et quelque part, eux, ils se sentaient plus proches de Iron Maiden Saxon. Donc c'était déjà des groupes qui étaient pas en perte de vitesse, loin de là, mais dont le style commençait à être un petit peu hors de date. Enfin, on s'en fout, toujours est-il que c'est bien fait foutu. Unleashing Hell, c'est le morceau de ce soir, et une petite intro avant qui s'appelle Surfacing. petit retour vers le futur, puisque là, actuellement, nous étions en 1989, avec l'album Street Ready de Leather Wolf, qui était leur troisième album, avec le morceau Take a Chance. D'ailleurs, le groupe est toujours en activité, puisqu'il s'est reformé en 99, depuis 20 ans. Et qui vient de sortir son sixième album, là, tout simplement, en fin d'année 2022. Voilà pour la petite histoire. Eux aussi viennent de sortir leur tout nouvel album en 2022, après quasiment 35 ans d'absence discographique. C'est les Canadiens de Sword, dont vous avez eu deux petits morceaux ce soir, Unleashing Hell et la petite intro Surfacing, extrait de leur troisième album, intitulé tout simplement Free. Eh bien, on va se faire la première nouveauté de l'année, avec une artiste pour qui j'ai un petit coup de cœur particulier, puisque c'est quelqu'un qui accompagne Electric Shock, on va dire, quasiment depuis ses débuts. C'est le premier album solo de Charlotte Wessels. Alors Charlotte Wessels, c'était donc la chanteuse de D-Lane jusqu'à présent. D-Lane, le groupe de Martin Westerholt, le frère du guitariste de Within Temptation, qui est donc au clavier, qui a fondé donc D-Lane en 2005, qui avait sorti son premier album en 2007. Et c'est vrai qu'on avait commencé à le diffuser à l'époque. On a toujours suivi la carrière de D-Lane jusqu'à présent. Et Charlotte, bah, c'est la personne que j'ai eu l'occasion d'interviewer le plus de fois, puisque j'ai eu 4 fois l'honneur, donc, de pouvoir tailler le bout de gras avec elle. Enfin, toujours est-il que pendant le confinement, je sais pas trop ce qui s'est passé de la tête de Martin Westerholt. Enfin, toujours est-il que tous les membres de D-Lane apparemment sont partis ou ont été virés, on sait pas trop. Et qu'apparemment, maintenant, ce serait un projet solo D-Lane. Et d'ailleurs, le prochain album devrait sortir là en 2023 avec une nouvelle chanteuse et de nouveaux musiciens, donc à suivre. En attendant, pendant le confinement, bah Charlotte, elle a profité de ça pour se faire plaisir et enregistrer des morceaux un petit peu éloignés de son répertoire habituel. Donc de nettement plus pop, plus éthéré, des choses presque R&B par moment, mais pas agréable du tout. Et toujours est-il qu'elle sortait ses morceaux sur son site. Et toujours est-il qu'en 2021, elle avait sorti son premier album qui s'appelait Tell From Six Feet Under Volume 1, mais qui n'était disponible, je crois, qu'en vinyle. Et le deuxième volume est sorti là au mois d'octobre, et il est disponible en CD, en double CD, puisqu'il contient donc les deux volumes actuellement. Vous m'avez suivi, j'espère? Ben voilà. Voilà donc pour la petite histoire. Donc, ben, on va découvrir cet album, le Tales From Six Feet Under Volume 2, avec un morceau qui s'appelle The Phantom Touch. me crazy. Ce petit moment de douceur vous est offert par Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'était Cécile Del Poyo avec son album Tuola, sorti fin octobre. Ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas passé. C'était le morceau Sommet de la Tour. Juste avant, c'était la première nouveauté de la soirée avec Charlotte Whistles, l'ancienne chanteuse donc de Dylan, et son deuxième album solo, Tales from Six Feet Under Volume 2, sorti au mois d'octobre. Voilà. La suite, ça va être du beaucoup plus péchu, puisque on va se faire un petit hommage à ce grand monsieur qui personnifiait le métal, voire même le rock tout court, Lemmy Kilmister de Motorhead, qui nous a quitté maintenant, il y a de ça un peu plus de 7 ans, puisqu'il a quitté ce monde, c'était le 28 décembre 2015. Mais c'est quelqu'un qui ne sera pas oublié, ça c'est clair. Alors en hommage à ce monsieur, on va se faire un petit retour en 1982. Et on va retrouver le concert de Glasgow du 18 mars de cette même année, qui figure donc en bonus sur la réédition de Iron Fist pour les 40 ans de cet album. Alors quel morceau? Eh bien un petit extrait par contre, non pas de Iron Fist mais de Ace of Spades. Enfin c'est plutôt un petit doublon puisque les deux morceaux vont ensemble. Tout d'abord By the Bullet et ensuite The Chase is Better Than the Catch. We'll be right back. The Chase is Better Than the Cage, Bite the Bullet to the Live, Glasgow, le 18 mars 82. Ça, c'est extrait du CD bonus de la réédition de Iron Fist. Et c'était bien entendu en hommage à Lemmy Kilmister, le légendaire leader de Motorhead, qui nous a quittés il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Eh bien, on va continuer la nostalgie, là, avec pourtant quelque chose sorti tout début décembre. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux vieux de la vieille qui ont connu la scène métal orléanaise de deuxième moitié des années 80. Alors, si vous vous rappelez des noms de Bloody Witch, Death Rider, Metamorphose, Pregnant Virgin, Drifter, ça doit vous dire également quelque chose. Et je vous avais présenté ça juste pour l'émission de Noël. Il y a eu un label portugais qui s'appelle Lost Realms, qui fait vraiment un travail d'archiviste vraiment énorme, qui s'amuse à retrouver des groupes complètement oubliés, comme Drifter, sans vouloir leur faire offense, ils n'ont jamais vraiment dépassé le stade d'Orléans et de sa proche banlieue. Et Drifter, pour moi, c'est plein de souvenirs parce que c'était des copains, je les voyais souvent, je les suivais en concert du mieux que je pouvais, j'allais les voir en répétition, on se faisait des soirées mémorables ensemble, des tas de choses. J'ai une pensée aussi pour Karim Bouda, qui fut leur guitariste à l'époque en 1986 et qui a tragiquement disparu il y a de ça un bon bout de temps maintenant, et je pense très fort à lui en écoutant ce morceau. Donc ce label donc a demandé à Laurent, qui était le leader du groupe, qui est passé à peu près par tous les postes du groupe, sauf la batterie, dont c'était son frère qui s'en occupait, pour ressortir donc l'intégrale des deux démos plus le 45 tours et deux titres live sur un CD qui s'appelle Anthologie 1986-1988. Et pour ça, on va revenir sur leur première démo qui était sortie en 1986. Et quand on réécoute ça maintenant, on se dit que pour un 4 pistes et des musiciens quand même relativement inexpérimentés et très jeunes, ça sonne quand même pas si mal que ça. C'était le morceau d'ouverture de cette démo à l'époque, c'est Cyclope. chaque sanguinaire. Si comme tu es un peu sanguinaire, si comme tu es un peu sanguinaire. Yeah. Nostalgie, nostalgie. Ben, vous avez reconnu le classique d'ADX, L'étranger, extrait de la démo Le Fléau de Dieu de 1984. Cette démo figure en bonus de, sur la réédition de, du premier album Exécution qui est sorti donc l'année dernière. Exécution est à l'origine sorti en 1985. Voilà, ça c'est pour les férus d'histoire. Juste avant ADX, les Orléanais, enfin Cassiens plus exactement, puisqu'ils étaient originaires de Chessy, de Drifter et leur album Anthologie 1986-1988 avec le morceau Cyclope, extrait donc de leur première démo sortie en 1986 dans les griffes du passé. Du passé maintenant, passons au présent avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec le groupe qui s'appelle Colosse. Alors Colosse, c'est un groupe qui nous vient du sud de la France, qui existe depuis 2018 et qui a profité de la pandémie pour bien travailler leurs morceaux. Et ils nous ont sorti donc leur premier album qui s'appelle Origine la mi-novembre. Alors musicalement, comment décrire Colosse ? C'est du rock metal. On peut penser à un mélange de Foo Fighters, d'Alice in Chains, un petit peu Metallica, époque Load quand même, parce qu'il y a quand même du gros son. Et on va découvrir ça tout de suite avec ce morceau qui s'appelle Bedazzled. We'll be right back. Et leur album éponyme sorti fin septembre, c'était le morceau Uncool, juste avant la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe qui vient du sud de la France, dont c'est le premier album qui s'appelle Colosse, et donc extrait d'origine, c'était le morceau Bedazzled. On va continuer avec quelque chose sorti récemment aussi à l'automne dernier, mais qui fait dans un registre très 70s, c'est le nouveau projet du guitariste Chris Savoure, Bad Kings, et leur premier opus, Take Me Into Your Kingdom. Et le morceau qui est, ouais, très Led Zepp, très free, s'appelle Hear Me Now. Yeah. Simon McBride, le guitariste-chanteur irlandais Simon McBride et son album solo The Fighter, sorti au mois de mai. C'était High Stakes Simon McBride qui maintenant a rejoint officiellement Deep Purple, même si au départ il ne devait leur donner qu'un coup de main du fait du départ vraiment définitif de Steve Morse. Celui-ci, maintenant Simon, est vraiment le guitariste officiel de la légende britannique. Est-ce qu'ils sortiront un nouvel album studio avec lui? À suivre. Juste avant Simon McBride, c'était Bad Kings avec leur premier album Take Me to Your Kingdom avec le morceau Hear Me Now. Et on a déjà dépassé la première heure d'Electric Shock, puisqu'il est déjà 20h01 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. On va se faire un peu de métal US moderne avec un des poids lourds de ce style, avec Disturbed et son nouvel album Divisive. Et ils nous disent qu'ils sont inarrêtables. La preuve, c'est le morceau, c'est Unstoppable. There's no du métal alternatif américain. Ça, c'était Godsmack avec Awake, extrait donc de l'album du même nom, sorti il y a 23 ans maintenant. Et ouais, ils sont toujours présents, Godsmack. Autre poids lourd, juste avant, Disturbed, avec leur nouvel album Divisive. Et c'était le morceau Unstoppable que vous avez eu droit ce soir pour vous décrasser un petit peu les esgourdes. On va se faire une nouveauté avec quelque chose, avec une petite exclue Made in Electric Shock, parce que ça, vous ne trouverez pas ça facilement, même très difficilement, avec le nouveau live de Marillion, You'll Be Glad. Alors, ce n'est pas un live que peut trouver dans le commerce, on ne peut pas le trouver non plus sur leur site, parce que sur leur site, il y a toujours plein de bonnes choses, mais non, puisque cet album n'est disponible que si vous faites partie du fan club. C'est le cadeau de Noël tous les ans, donc Marillion fait partie de ces groupes encore où ils gâtent vraiment leurs fans, puisque tous les ans, nous avons droit soit à un DVD, soit à un CD, avec soit des morceaux inédits, soit des concerts, enfin, plein de choses intéressantes. Là, c'est un double live enregistré à Londres, à Hammersmith, le 21 novembre 2020, quand les concerts commençaient à reprendre. Donc Marillion était tout ravi de reprendre la scène. Et ce soir-là, il nous délivrait une version fabuleuse du Sound That Can't Be Made. Donc, exclu Electric Shock, Marillion ce soir. Oh, just in your mind, babe. Sounds That Can Be Made, morceau magnifique de Marillion, extrait de l'album You'll Be Glad, et ça c'est une exclue Electric Shock puisque vous ne le trouverez pas dans le commerce, puisque c'est réservé aux membres du fan club, et c'était également la troisième nouveauté de la soirée. Changeons de style complètement avec du rock grivois à tendance cabaret burlesque, avec le EP de Betty Jane, la voisine en culotte, que vous devez commencer un petit peu à connaître, et le morceau de ce soir c'est Ouais l'amour, ouais, petite interrogation. Yeah, yeah, yeah. Well, je mange pas d'amour mais de l'argent. On est tous des détachables, des routes de secours, des éléments. Personne n'est indispensable, évidemment. Alors au suivant, si chacun sur sa route. Au suivant, chacun pour soi et pour tous. Au suivant, allez viens rejoins la troupe. En suivant, et chacun pour sa gueule. Fait que ça marche. Des responsables dans ce monde, c'est formidable. On les soit plus, tout soit client. La politique, c'est important. Tous visibles et tous jetables. Personne n'est irremplaçable. Tu deviens robot, tu deviens mutant. Alors au suivant, si chacun sur sa route. Au suivant, chacun pour soi et tout pour tous. Au suivant, allez viens rejoins la troupe. En suivant, et chacun pour sa gueule. Alors respirez pendant ton chaud, plus on est con, on sort. Donc faut consommer, ou écoute de cause. Pays 26 sur l'autoroute, on est comme des bagages en sous. On nous empile, on nous déroute. Alors au suivant, et chacun sur sa route. Comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on te tient. Que le monde est en marche. Alors, que ce monde ne vaut rien. C'est un extrait de Camarade X, le dernier album de Demagou, sorti fin octobre, juste avant Betty Jane et son EP La voisine en culotte, qui posait la question de où est l'amour. Continuons avec quelque chose de plus heavy, avec le groupe Doé et leur concept sur le serial killer. Là, ils nous racontent l'histoire du tueur lorsqu'il se retrouve dans The Corridor. The Corridor, extrait de l'album, du concept album Serial Killer de Dewey. Eh bien, il va être temps de se faire la dernière nouveauté de la soirée, avec un groupe qui s'appelle Nymalia, dont c'est le deuxième EP qui est sorti la fin octobre, qui s'appelle donc Rules of the Game. Alors, Nymalia, comment les classer? Certains diront que c'est du metal pop, d'autres c'est de la pop metal. En fait, je pense que c'est le genre de groupe qui pourrait plaire à tout le monde, voilà, parce qu'on y trouve quand même des guitares assez abrasives, un côté plutôt chantant que de la pop. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Eh bien, écoutons le premier extrait qui s'appelle « Don't Cry ». Silence, ça c'est le titre du deuxième album de Scarlin, et Pray Fanatic, c'est le morceau que nous venons d'écouter à l'instant. Juste avant Scarlin, c'était la quatrième et dernière nouveauté de la soirée, le EP de Nymalia, Rules of the Game, et c'était le morceau Don't Cry. Est-ce qu'un petit peu de death metal, ça vous dirait? Oh, il me semble qu'entendre que oui. Donc, un petit extrait de l'album Different Painting for a New World de Catalyst, Paragon of Devastation. Ouais, ça va le faire. petit peu de def, ça fait du bien ça. Stranglewire, groupe qui nous vient d'Irlande avec Death Before the Steel, extrait d'album Shaped by Human Frailty qui était sorti fin septembre, ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas passé, et juste avant les Français de Catalyst et leur album Different Painting for a New World, c'était Paragon of Devastation. Allons faire un petit tour du côté de Bourg-en-Bresse, vous allez retrouver Messaline et leur album Vieux Démon, et quoi de mieux que le morceau Vieux Démon. We'll be right back. pas du sang qui coule dans nos veines, mais plutôt un son qui brisera nos chaînes. Extrait de l'album du même nom, c'était Mescaline. Et il est 20h59, il serait presque temps de se quitter. Mais bon, on va se faire un dernier morceau parce que ça, c'était pas prévu. En toute fin d'après-midi, en regardant un petit peu les actualités métal, j'ai appris donc le décès de Sébastien Marino, qui était guitariste de Anvil dans le début des années 90. Et un peu plus tard, entre 95 et 99, il fut guitariste d'Overkill. Disparu donc le 31 décembre à l'âge de 57 ans. Donc en hommage et pour terminer en beauté l'émission d'Electric Shock, on va se faire un extrait de 8e album d'Overkill, The Killing Kind, premier album dans lequel il officiait. Et on va terminer l'émission avec le morceau Certifiable. certifiable extrait de The Killing Kind de Overkill, sorti en 1996. Et ça, c'était en hommage à Sébastien Marino, qui fut guitariste de la formation new-yorkaise entre 95 et 99. Merci à tous d'avoir été une fois de plus à l'écoute de ce magazine métal. Et bien, j'espère vous retrouver la semaine prochaine avec encore des nouveautés et des surprises. Comme toujours, d'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel. Et moi, je vous dis à mardi prochain. Salut à tous! Nós respeitamos o uso das figuras regimentais e constitucionais por parte de todos os partidos políticos. Sabemos